professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'interaction génétique, comportementale et culturelle entre l'homme moderne et les autres groupes humains, néandertaliens et denisoviens? Quelle est l'histoire des sorties d'Afrique? Par où? À quelle date? Comment et pourquoi les hommes modernes ont-ils quitté l'Afrique? Quelles sont les vagues anciennes de peuplement moderne? Et quelles sont les populations qui ont pu disparaître? Le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France depuis 2014, directeur du département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne, poursuit cette semaine son exploration de l'émergence de l'homme moderne dans le cadre de son ultime série consacrée à Homo sapiens, une espèce orpheline. Dans les premiers cours, le chercheur a montré que cette apparition de l'homme moderne relève d'un processus plus compliqué qu'on a pu l'imaginer. Il concerne différentes régions et différentes populations sur le continent africain, l'Afrique subsaharienne jouant un grand rôle notamment. Jean-Jacques Hublin a également souligné qu'il n'y a pas de coupure nette entre les formes archaïques d'Homo sapiens et les hommes modernes. C'est une évolution plutôt graduelle. Avant 200 000 ans, date qui dépend de nos lacunes en fait, les formes se rapprochent de l'homme moderne mais possèdent une mosaïque de caractères archaïques ou primitifs. Aujourd'hui, Jean-Jacques Hublin analyse la question et les hypothèses liées à l'expansion des hommes modernes hors d'Afrique. Les formes archaïques liées aux Néandertaliens et la forme plus mystérieuse des Denisoviens en Asie vont être remplacées et peut-être assimilées pour partie par les hommes modernes qui se répandent en Europe, en Eurasie, au sud de l'Asie et même jusqu'en Australie. Le chercheur nous inscrit à la fois dans les débats autour des découvertes, mais aussi au cœur de la révolution technologique qui touche son domaine. Nous voici, selon ses mots, au point de rencontre de disciplines aussi diverses que la paléontologie humaine, l'archéologie préhistorique, la génétique ou la climatologie. Comprendre l'évolution humaine, c'est comprendre l'interaction permanente du biologique et du culturel, souligne-t-il. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 octobre 2016 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Homo sapiens, l'espèce orpheline », aujourd'hui, la sortie d'Afrique. La date que vous allez rencontrer très souvent dans la littérature ou si vous allez sur Internet, cette date de 200 000 pour l'apparition de l'homme, entre guillemets, encore une fois, moderne en Afrique, ben c'est une date qui découle surtout de nos lacunes dans la documentation paléontologique. C'est surtout parce qu'en fait, avant 200 000, on n'a pas énormément de fossiles qu'on place ce point de départ à 200 000. Alors l'histoire, vous la connaissez déjà plus ou moins, parce que ces hommes modernes qui se sont développés en Afrique, alors que en Eurasie, on avait des formes qu'on appelle des formes archaïques, néandertaliens en Europe et en Asie centrale, au Proche-Orient, et puis une forme un petit peu, je dirais, mystérieuse pour l'instant, on appelle les Denisoviens, plus à l'est, en Asie. Eh bien, ces hommes modernes vont sortir d'Afrique. Hein. La preuve, c'est que nous sommes là. Et donc on va avoir des changements dans la distribution géographique de ces groupes. On sait que les Néandertaliens se sont un petit peu étendus vers l'Est à un moment de leur histoire, puisqu'on les trouve jusque dans l'Altaï. Probablement cette expansion a lieu durant l'interglaciaire qui se développe à partir de 130 000 avant le présent. Et puis donc ces hommes modernes, on va les trouver en Eurasie, ils vont se répandre dans le sud de l'Asie, ils vont aller jusqu'en Australie et puis ils vont aussi coloniser l'Europe. Et au cours de cette expansion, ils vont parfois interagir avec les populations locales, ils vont essentiellement les remplacer, mais il y a un certain degré d'assimilation génétique. Puis on le verra un petit peu plus tard dans le cours, probablement aussi d'interaction sur le plan comportemental, sur le plan culturel. Donc ça, c'est l'histoire, j'allais dire, dans les grandes lignes. Et maintenant, nous allons entrer un petit peu plus dans le détail. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler des premières formes modernes en dehors d'Afrique, donc ce que j'ai appelé la sortie d'Afrique. Et vous allez voir que plutôt que de parler de la sortie d'Afrique, il vaudrait mieux parler des sorties d'Afrique. Et puis, au cours de nos rencontres, on verra plus en détail ce qui se passe dans des régions comme l'Europe ou dans des zones géographiques où, jusqu'à présent, les hommes ne sont jamais allés, comme l'Australie et puis les zones froides, les zones arctiques et plus tard les Amériques. Alors, cette histoire de la ou des sorties d'Afrique, eh bien, en fait, se ramène à des questions assez simples. D'abord, par où les hommes sont sortis d'Afrique, quand, à quelle date précisément, combien de sorties est-ce que l'on a, en fait, puisque c'est peut-être un peu simple, justement, de parler de la sortie d'Afrique. Et puis, ultimement, on pourra aussi se demander pourquoi, dans le fond, ils sont sortis d'Afrique. Ils étaient bien là-bas. Alors, cette question-là, on va la laisser un petit peu en suspens. On va y revenir quand nous parlerons du remplacement des formes archaïques, mais on l'effleurera un petit peu aujourd'hui aussi. Alors c'est toujours important de garder la géographie en tête quand on parle d'archéologie, quand on parle d'évolution humaine. Les hommes vivent dans un paysage, dans une géographie, dans un environnement avec un climat déterminé. Et donc, cette sortie du continent africain vers l'Eurasie, eh bien, il suffit de regarder cette carte pour voir qu'il n'y a pas énormément de possibilités pour sortir d'Afrique, en particulier vers le continent asiatique. Alors, on met tout de suite de côté les connexions possibles à travers le détroit de Sicile ou le détroit de Gibraltar, parce que pour la période qui nous intéresse, en tout cas, on n'a pas de preuves bien évidentes d'échanges de populations à travers ces détroits maritimes. Alors, la sortie des hommes modernes d'Afrique, eh bien, initialement, on a surtout pensé que ça s'était passé à travers l'isthme de Suez. La voie la plus facile, la plus naturelle, enfin celle qui paraît la plus naturelle, pour sortir d'Afrique vers l'Eurasie. En tout cas, on n'a pas d'eau à traverser. Aujourd'hui, il y a un canal, mais à l'époque, évidemment, il n'y en avait pas. Et puis, récemment, enfin, disons, au cours des 10 dernières années, un petit peu plus, on a commencé aussi à discuter très sérieusement des possibilités de sortie d'Afrique au sud de la mer Rouge. Alors là, il y a effectivement un détroit, mais qui a été assez étroit à certaines périodes du passé. Et donc, pour des tas de raisons, on envisage aussi cette zone-là. Alors, l'autre région que je viens d'évoquer, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, qui veut dire la porte des lamentations en arabe. C'est pas un nom très joyeux. Et ce détroit, c'est un détroit qui est donc entre l'Afrique de l'Est et puis le sud de la péninsule arabique. C'est un détroit assez étroit. Ça fait à peu près une trentaine de kilomètres aujourd'hui, avec un petit îlot intermédiaire. On a beaucoup discuté pour savoir si à un moment donné du passé, il y avait eu possibilité de passage à pied sec avec une émersion de cette zone-là. Alors, ça existait dans un passé, mais dans un passé très lointain qui ne concerne pas les hommes modernes. En tout cas, pour le Pléistocène, disons la fin du Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur, on n'a pas de preuves bien convaincantes d'une émersion de cette zone-là. Pour différentes raisons, géologiques et puis aussi liées au comportement des hommes en relation avec les changements climatiques. Alors les arguments géologiques, c'est que s'il y avait vraiment eu une fermeture de la mer Rouge, en fait, il est très probable que la mer Rouge se serait asséchée assez rapidement. Et cet assèchement de la mer Rouge devrait laisser des traces sous forme d'évaporites et bon. Les géologues se battent pour savoir s'il y a ou pas des traces de ce style-là, mais apparemment, s'il y en a, elles ne sont pas très spectaculaires. Et puis, l'autre aspect, c'est que ces abaissements des niveaux marins correspondent à des phases arides, des phases sèches en Afrique, des phases plus froides quand on monte dans les hautes latitudes. C'est justement les périodes où les hommes ne se promènent pas trop dans cette région-là, on va le voir. Et c'est plutôt les phases, en fait, plutôt humides que l'on considère comme des fenêtres favorables pour le passage des hommes entre l'Eurasie et l'Europe. De fait, les reconstitutions des niveaux marins dans le sud de la mer Rouge montrent que même pendant les périodes de niveaux marins les plus bas, eh ben, il est resté toujours au moins 15 ou 20 mètres d'eau de mer dans cette région-là. Donc ça veut dire que si des hommes sont passés, ils ont dû passer avec des moyens de navigation. Bon, ils sont allés en Australie il y a 50 000 ans, et donc au moins il y a 50 000 ans, il y avait des moyens de navigation, c'est certain. Alors ensuite, une fois arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, eh bien quand il s'agit de se répandre en Eurasie vers l'est ou vers l'ouest, eh bien là encore, il y a des contraintes géographiques qu'il faut avoir en tête, et en particulier en Asie. Il y a deux voies qui ont été longuement discutées par les paléoanthropologues. Il y a une voie qui est une voie sud, le long des côtes, et cette voie passe au sud d'un énorme obstacle géographique qui est représenté par l'Himalaya et par le plateau tibétain, qui est un plateau, mais qui est quand même un plateau à une altitude assez considérable, avec des zones désertiques qui bordent ce plateau vers le nord-ouest. Manifestement, c'est une région qui n'a pas été facile à pénétrer par les hommes pendant très très longtemps. Donc une voie vers le sud et une voie possible vers le nord, à partir de l'Asie centrale vers l'Altaï. Et on a, vous souvenez, pas mal de sites paléolithiques dans cette région. Alors plus à l'est, là, il y a des possibilités de circulation des populations humaines du nord au sud ou du sud au nord, suivant qu'on privilégie une voie ou l'autre. Pour l'Europe, bon, la pénétration en Europe à partir des zones méditerranéennes, c'est quelque chose qui ne paraît pas très compliqué à imaginer. Mais vous le verrez, il y a aussi des scénarios où on envisage plutôt un peuplement moderne de l'Europe, non pas à partir des zones méditerranéennes uniquement, mais aussi en partie de latitude un peu plus élevée, à partir de l'Europe de l'Est, du sud de la Russie. Alors tout ça a donné lieu à une multitude de scénarios. On a imaginé à peu près toutes les combinaisons possibles. Donc il y a cette fameuse route du Nord qui passe par le Sinaï, le Proche-Orient, ensuite qui va quelque part en Asie centrale avec une descente. Alors on peut le faire descendre avant l'Himalaya, après l'Himalaya, vers l'Asie du Sud-Est et l'Australie. La route du Sud, la route côtière, alors peut-être à partir du sud de la mer Rouge et puis le long des côtes jusqu'en Australie, et puis les deux à la fois, alors soit à la fois, soit l'une après l'autre, avec différents scénarios, notamment ce qui concerne, disons, l'héritage plus ou moins archaïque, ancien, que l'on trouverait chez des aborigènes australiens récents, qui auraient hérité plus ou moins d'une première vague côtière ou pas. Alors en fait, ce qui semble se dégager des travaux les plus récents, c'est que avant ces obstacles qui se présentent à l'homme pour sortir d'Afrique et pour se développer dans différentes régions de l'Eurasie, eh bien avant cela, il y a des obstacles qui se présentent en Afrique. Et on pense de plus en plus qu'en fait, en tout cas du point de vue climatique, ce qui a représenté une difficulté majeure pour avoir une densité de population importante en Afrique du Nord-Est et puis ensuite dans les zones adjacentes du Proche-Orient, eh bien, c'est la désertification de ces zones pendant un certain nombre de période géologique, et on en vit une pendant laquelle le Sahara a une très très grande extension. Nous en avons déjà parlé au cours des rencontres précédentes. On sait qu'au cours du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, il y a des périodes pendant lesquelles ces zones désertiques du Sahara et de la péninsule arabique, eh bien, ont disparu et ont été remplacés par des paysages beaucoup plus... Alors, peut-être que le terme de vert est un peu exagéré, mais en tout cas, des paysages avec non seulement une végétation conséquente, mais surtout une faune et une possibilité pour les chasseurs-cueilleurs d'exploiter ces milieux. Et probablement, l'épisode récent le plus spectaculaire qui a parfois été nommé un épisode de Sahara vert, hein, Green Sahara, c'est le début du dernier interglaciaire qui commence il y a environ 130 000 ans. Et donc là, on a une période avec des conditions environnementales qui sont, dans nos régions, qui sont extrêmement tempérées, même un petit peu plus chaudes qu'elles ne sont aujourd'hui. Et puis, en Afrique... Donc des conditions de milieu beaucoup plus humides dans ces régions du nord de l'Afrique, avec une mousson d'été qui monte beaucoup plus vers le nord qu'elle ne monte aujourd'hui. Et on a des paysages, vous voyez, cette couleur jaunâtre représente une savane arborée, avec de 10 à 40% de couverts arborés, ce qui est quand même considérable. Tout un réseau de fleuves qui se déverse soit vers la Méditerranée, soit vers le sud, et puis surtout qui se déverse aussi dans des bassins lacustres qui sont extrêmement importants. Probablement le plus spectaculaire de ces lacs, c'est le lac Tchad, le méga-lac Tchad. Donc des lacs qui ont la taille de l'Allemagne actuelle. Hein. Donc, ce ne sont pas des petites mares, hein. Ce sont vraiment des étendues d'eau assez importantes. On pense que c'est au cours d'épisodes comme ceux-là, pendant lesquels donc, il y a une population de chasseurs-cueilleurs assez importante qui peut vivre dans ces régions de l'Afrique, et en particulier dans le coin nord-est, eh bien que le passage vers l'Eurasie, avec des conditions qui sont aussi favorables dans ces régions du Levant, a été favorisé. Alors, en dehors de ce pic humide du début du stade isotopique 5, donc de l'Eémien, eh bien on a par la suite un certain nombre d'autres épisodes comme celui-là. Pendant la fin du stade isotopique 5, et puis plus tard pendant le stade isotopique 3, et ces épisodes plus humides ont été détectés de différentes façons. Alors, on utilise évidemment différents proxys pour mesurer les variations climatiques, les variations d'humidité, les variations de température. Les spécialistes aiment bien les spéléothèmes, aiment bien les stalagmites, parce que ces stalagmites enregistrent sur de très très longues périodes des variations de température et d'autres indications climatiques. Et donc, on aime bien couper dans la longueur des stalagmites pour dater les variations, en particulier des isotopes de l'oxygène le long de des stalagmites. Et on peut faire des reconstructions climatiques sur de très longue durée. Alors, le problème en Afrique du Nord, c'est que des grottes avec des stalagmites, il y en a, mais pas autant qu'on aimerait. Et surtout, il n'y en a pas au milieu du Sahara. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Donc, on se rabat sur d'autres proxys. Quelque chose qui est assez spectaculaire, c'est l'existence, dans l'est de la Méditerranée, de dépôts marins qu'on appelle des sapropelles. Et ces sapropelles se présentent... Alors ça, c'est une coupe géologique qui ne date pas du tout de la période qui nous intéresse. Elle date du Miocène, en Sicile, mais elle vous montre de quoi il s'agit. On a ici des dépôts qui sont des dépôts carbonatés, et intercalés dans ces dépôts carbonatés, vous voyez des bandes sombres. Et ben, ces bandes sombres, elles correspondent en fait à un afflux dans le bassin de la Méditerranée orientale d'eau qui vient du continent africain, qui est amené par les fleuves, le Nil en particulier, mais d'autres fleuves. Et cette eau, pendant des périodes qui sont des périodes plus humides et plus chaudes, c'est de l'eau qui est moins salée et qui est plus chaude que ce qu'elle est habituellement. Et donc cette eau ne descend pas, elle reste en surface et il se forme au fond du bassin de la Méditerranée orientale des dépôts qui sont des dépôts qui sont riches en matières organiques et avec des matières organiques qui ne sont pas dégradées comme elles le sont habituellement par des bactéries aérobies, mais qui sont dégradées par des bactéries anaérobies, et ça donne ces dépôts sombres. Alors ces sapropelles, eh bien, on en connaît plusieurs dans la période qui nous intéresse. Il y en a un qui se trouve exactement dans les miens, c'est-à-dire ce début du stade isotopique 5 vers 130 000 ans. Alors très récemment, il y a eu un article qui est paru dans Nature, signé par ces deux auteurs, Timmerman et Friedrich. Et Timmerman et Friedrich ont fait une compilation de tous les paramètres possibles pour modéliser le climat et pour modéliser la densité de population dans différentes régions d'Afrique et en dehors d'Afrique. Et en faisant cette modélisation, ils ont identifié un certain nombre de fenêtres chronologiques pendant lequel on a des conditions, alors qui ne sont pas toujours aussi extrêmes que celles qu'on a pendant l'Eémien, avec ce Sahara vert, mais en tout cas, des conditions qui se rapprochent de ça, avec des paysages qui permettent assez facilement le passage entre l'Afrique du Nord-Est et puis le Proche-Orient, la péninsule arabique et puis le Levant. Alors, dans ce travail, évidemment, ils ont à nouveau identifier cette fenêtre de temps qui correspond à la période 120-130 000 donc de l'Eémien. Et puis, trois autres fenêtres qui se présentent, deux qui se trouvent toujours dans le stade isotopique 5. Ensuite, une interruption assez importante qui correspond à un stade froid qui est le stade isotopique 4. Et puis, au début du stade isotopique 2, après 60 000 ans, on va avoir à nouveau une fenêtre dans laquelle ce passage est facilité. Alors ça ne veut pas dire que c'est dans toutes ces fenêtres de temps que des hommes modernes se sont répandus hors d'Afrique, mais cela nous donne quand même l'idée déjà que, en fait, plutôt que d'avoir une fenêtre de temps étroite pour la sortie des hommes d'Afrique, il y a une période assez longue pendant laquelle, de façon périodique, je dirais, la porte est ouverte du point de vue environnemental. Alors, en fait, ces hommes modernes, on va effectivement les trouver en dehors d'Afrique, au rendez-vous, si je peux dire, c'est-à-dire pendant cet interglaciaire qui est une période favorable. Et du point de vue historique, je ne résiste pas à montrer la photo de Miss Dorothy Garrode, qui a été une véritable pionnière, une femme exceptionnelle à des tas de points de vue, et qui, dans les années 1920-1930, a beaucoup travaillé au Proche-Orient en particulier, et elle a travaillé notamment dans des grottes qui sont près de Haïfa, qui s'appellent les grottes du Mont Carmel. Et dans ces grottes, elle a effectué des fouilles absolument colossales, avec une équipe de fouilleuses d'ailleurs, assez impressionnante. Et notamment, elle a fouillé une grotte très importante qui s'appelle la grotte de Taboun. Elle a vidé quantité de sédiments de la grotte de Taboun et elle a proposé une succession d'industries avec un Taboun, des industries paléolithiques moyens, moustériennes, de type Taboun B, C, D, etc. Et je dois dire que cette nomenclature est peu ou prou toujours en usage aujourd'hui, même si on discute un petit peu de sa signification et de sa chronologie. Et au cours de ces fouilles, bien Miss Garrode, elle a trouvé des Néandertaliens. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais à Taboun, c'est surtout pour cela que la grotte est connue. On a cet individu qui est une femme, qui est connue sous le nom de Taboun C1. Dénomination est un petit peu malencontreuse parce que beaucoup pensent qu'en fait ce squelette de Néandertal de Taboun 1 ne vient pas de la couche C, mais en fait a été enterré dans le sommet de la couche C à partir, si je peux dire, de la couche B, c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait postérieur à la couche C. Alors ces Néandertaliens du Proche-Orient, on les connaît surtout dans la période, disons, 80 000, 60 000. C'est-à-dire, souvenez, c'est cette fenêtre de temps dans laquelle la porte est fermée. Hein, c'est-à-dire, c'est le moment où il y a moins de possibilités d'échange. Et on a, à côté de ces Néandertaliens qui ont été découverts dans tous ces gisements où on a des points rouges, on a deux sites où on a trouvé autre chose, donc des hommes que l'on qualifie de modernes. Et donc, c'est toujours Miss Garrode qui, lors de ses fouilles dans les grottes du Mont Carmel, a pour la première fois découvert ces restes d'hommes modernes. Alors, vous voyez qu'ils sont modernes, mais quand même, ils ont gardé beaucoup de caractères primitifs. On retrouve toujours cette mosaïque de caractères, entre guillemets, modernes et de caractères primitifs. Et elle a fouillé une petite grotte qui est à côté de la grotte de Taboun. Alors, au point de vue âge, il y a des tas de datations qui ont été proposées pour ces restes de skoul, mais ils semblent se placer essentiellement pendant cet interglaciaire, donc ce début du stade isotopique 5, et toute une série de spécimens comme celui-là ont été trouvés. Donc là, je vous ai mis une photo du crâne qui est le plus spectaculaire, le mieux conservé, mais il n'y a pas que des crânes, il y a des squelettes. Ces squelettes, ils sont trouvés dans ce qui semble bien être des sépultures. Et ces hommes modernes, anciens du Proche-Orient, eh bien, ont des comportements qui sont quand même assez complexes, bien qu'ils aient un âge assez ancien. Alors l'autre gisement qui apparaissait sur ma carte, c'est le gisement de Djebel Kafzé. Alors Djebel Kafzé, c'est un gisement qui se trouve près de la ville de Nazareth et qui est au pied du mont du précipice. Et ce site de Djebel Kafzé, il a été fouillé d'abord par un diplomate français qui s'appelait Neuville, et puis beaucoup plus proche de nous dans le temps, par Bernard van der Merch dans les années 60-70. Et les travaux de Bernard van der Merch ont permis la découverte de toute une série, à nouveau, très riche de restes d'hommes modernes anciens. Alors on montre toujours ce crâne qui est le crâne de l'individu Kafzé 9, le crâne de cette sépulture. Et c'est vrai que ce crâne est une apparence très très moderne, si je peux dire. Il y a à Kafzé toute une, j'allais dire, un éventail de formes, dont certaines, comme à Skoul, présentent des caractères nettement plus robustes et nettement plus primitifs. Alors Kafzé, les dates, c'est surtout des dates par thermoluminescence. Bon, ça a l'air un petit peu plus récent que Skoul. Ce qui est intéressant, aussi bien à Skoul qu'à Kafzé, c'est que, comme je l'ai déjà indiqué, on a des comportements assez complexes, et en particulier des sépultures. À Kafzé, on a cette sépulture double qui est très très spectaculaire. C'est une jeune femme qui est enterrée avec un enfant à ses pieds. On a aussi au moins une sépulture d'enfants dans lequel on a ce qui semble être une offrande, un massacre de daims. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable et qui a soulevé bien des interrogations chez les archéologues depuis très très longtemps, c'est que aussi bien à Kavzé qu'à Skoul, eh bien, ces formes-là sont associées à des industries moustériennes, le fameux moustérien de type Tabounsé. Et ce moustérien, dans le fond, il ressemble beaucoup au moustérien qui est aussi associé à des Néandertaliens ensuite. Et ça, bon, c'est quelque chose pour l'instant pour lequel on n'a pas vraiment de bonnes explications. Alors, l'autre chose qui est importante aussi à souligner, c'est qu'à côté de ces sépultures de Kavzé et de Skoul, eh bien, on a dans ces gisements des objets, en tout cas à Skoul, on a des Nassarius qui ressemblent beaucoup aux Nassarius dont on a abondamment parlé en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Il est même possible que ces Nassarius de Skoul soient plus anciens que ceux qu'on a en Afrique. Bon, ça, on ne sait pas trop parce qu'on n'a peut-être pas les plus anciens en Afrique. Hein, mais enfin, disons, on a une zone géographique très vaste qui va du Cap au Maroc et du Maroc à Israël et dans lequel on a ces objets qui se promènent, si je peux dire. Et ça, quoi qu'on en dise, pour l'instant, c'est quelque chose qui est inconnu dans le monde des Néandertaliens, et il est probable que ça a des implications sur le plan de la complexité sociale, de la signalisation des individus, voire des échanges. Au chapitre des hommes modernes anciens du Proche-Orient, je veux aussi vous montrer cette mandibule qui vient, elle aussi, de Tabun, et a été trouvée aussi par Misgarod, qui est la mandibule de Tabun C2, alors elle, on pense qu'elle vient bien du niveau C, elle n'est pas intrusive, et de fait, elle n'est pas du tout néandertalienne, elle a une morphologie qui est primitive par de nombreux caractères, mais en même temps, des traits qui la rapprochent, encore une fois, de ces hommes modernes, anciens, en particulier, alors ça c'est pas la vraie mandibule, hein, c'est un modèle 3D que j'ai coupé, justement, pour vous montrer la forme de la symphyse mandibulaire, cette symphyse mandibulaire avec cette forme un petit peu en goutte, on dit en anglais, on dit en tear shape, en larme, hein, avec un aspect aminci vers le haut, c'est quelque chose qui est assez qu'on rencontre de façon assez habituelle chez l'homme moderne, avec aussi une incurvation. C'est une symphyse qui est verticale, qui est pas, il n'y a pas un menton développé comme chez un homme actuel, mais elle a beaucoup de caractère, en particulier aussi la décroissance en hauteur du corps mandibulaire vers l'arrière, la forme de la branche montante. Tout ça rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez des hommes modernes à Kavzé, à Skoul ou ailleurs. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui, la sortie d'Afrique. Alors, après les travaux de Misgarod, il y a eu beaucoup d'interrogations sur l'interprétation de ce matériel. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît assez normal de trouver des hommes modernes hors d'Afrique associé à du poétique moyen, mais dans les années 30, c'était pas si évident que ça. Et donc, en particulier, l'anthropologue qui a étudié le matériel de Taboun et le matériel de School, qui s'appelait Sir Arthur Keith, qui est une grande figure de l'anthropologie anglaise, eh bien, a longtemps oscillé entre différentes hypothèses sur l'interprétation de ces formes. Il a pensé qu'il avait deux groupes, ensuite il a pensé qu'il avait un seul groupe qui était très variable. Et dans le fond, ces incertitudes sont prolongées jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui encore qu'en fait, on n'a pas deux groupes humains au Proche-Orient pendant cette période de temps, mais on a un groupe avec deux pôles, un pôle plutôt néandertalien, un pôle plutôt moderne, et puis peut-être entre les deux quelque chose comme des hybrides ou quelque chose comme ça. Enfin, j'attire quand même votre attention sur le fait que quand on regarde les dates de tous ces fossiles, on n'a pas vraiment de preuve de la coexistence de ces deux groupes au même moment. Et en général, on arrive assez facilement à ranger les fossiles qu'on a sous la main, soit dans la boîte néandertalienne, soit dans la boîte homme moderne. Toujours est-il quand même que, et ça on le sait depuis peu, on sait que cette arrivée d'homme moderne, donc il y a peut-être 120, 130 000 ans dans le Levant, a résulté déjà en un épisode de flux génique. Alors, dans le sens homme moderne néandertalien, et pour l'instant, c'est d'ailleurs le seul qu'on connaisse. Hein. Donc, on a chez des néandertaliens de l'Altaï, qui sont beaucoup plus tardifs, donc des néandertaliens asiatiques, on a trouvé un tout petit peu d'ADN qui semble venir d'hommes modernes. Alors, c'est entre 0,1, c'est pas beaucoup, et 2,1%. D'ADN qui viendrait, et quand on a essayé de dater cette introgression, ben ma foi, on tombe sur des dates qui collent à peu près avec cette arrivée des hommes modernes au Proche-Orient. Alors, si on se recule un petit peu, et tous les fossiles dont je vous ai parlé, ils sont dans le sud du Levant, en fait dans une zone géographique très petite en Israël. Eh bien, on peut se poser la question de ce qui se passe plus au sud, dans la péninsule arabique. Les fossiles humains de Kavzé, ils sont associés à des faunes, qui sont des faunes, en particulier des microfaunes, qui sont des faunes qui ont été qualifiées d'arabo-africaines. Alors, on a oublié un peu le arabo, on a insisté surtout sur le africain, mais les gens qui ont étudié ces faunes ont insisté sur le fait que c'était des faunes qui avaient l'air de monter du sud. Et le sud du Levant, ben, c'est surtout ça, plus que l'Afrique, en fait. Et donc, la question qui est restée en suspens depuis très très longtemps, c'est dans le fond la question de savoir ce qui se passe dans cette période de temps, vers 100 000, 120 000, 130 000, dans la péninsule arabique. Alors, malheureusement, nous n'avons pas de fossiles humains dans cette région-là, pour l'instant, j'espère qu'on en aura, mais on a des technologies de production de pointe à partir de nucléus qui ont une forme très particulière, qu'on appelle des nucléus de type nubien. Alors pourquoi nubien ? Parce que c'est là qu'on les a d'abord trouvés. Et on a donc une communauté en tout cas une communauté technologique entre les deux côté de la mer Rouge dans cette période de temps. Alors tout ça n'est pas toujours extrêmement bien daté, mais on a quand même l'impression que, dans le fond, quand on remonte il y a 120 000 ans ou 110 000 ans, eh bien, la péninsule arabique, c'est plus un morceau de l'Afrique qu'un morceau de l'Eurasie. Et on pense quand même qu'il y a une très forte probabilité que tout ça ait été fabriqué par des hommes modernes. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que les hommes de Kavzé et de School, on ne les trouve pas avec des nucléus nubiens dans leur poche. Hein. On les trouve avec un moustérien de débitage levallois qui ressemble au moustérien fabriqué par les Néandertaliens qui vont venir après eux dans la région. Alors, donc, il va falloir trouver une explication à tout ça. Donc, une sortie d'Afrique, ou une présence, c'est peut-être pas une sortie, c'est peut-être juste que la péninsule arabique et une partie de l'Afrique, ancienne des hommes modernes, en tout cas, cette fenêtre de temps de l'Éhémien, c'est ça, disons que aussi bien les paléoclimatologues que les archéologues, que les paléanthropologues s'entendent plus ou moins sur l'idée que c'est une période de première sortie d'Afrique. Alors on a longtemps pensé, enfin bon, quand j'étais jeune chercheur, étudiant, dans le fond l'idée générale c'était que c'était une sortie avortée, c'est-à-dire qu'il y avait eu les hommes modernes avaient mis le nez à la porte de l'Afrique, dehors, pendant un temps assez court, et puis ensuite, pof, ils étaient rentrés dans leur boîte. Pourquoi ? Parce que les Néandertaliens étaient revenus à partir de 80 000. Et la vraie sortie d'Afrique, c'était, disons, 50 000, quelque chose comme ça. Alors, au cours, disons, des 10-20 dernières années, cette image-là a changé assez considérablement. Pourquoi ? Parce que dans la foulée de la reconnaissance de cette connexion entre la péninsule arabique et l'Afrique, eh bien, un certain nombre de chercheurs ont proposé qu'en fait, il y avait peut-être des hommes modernes beaucoup plus à l'aise déjà à cette époque-là. Alors, première région dans laquelle il y a eu des débats qui durent toujours, d'ailleurs, c'est l'Inde. Et il y a un chercheur qui s'appelle Michael Petraglia, qui était à Cambridge, qui a été à Oxford, qui maintenant est au Max Planck à Iéna, et qui travaillé en Inde. Et Michael Petraglia, il a défendu l'idée qu'en fait, il y avait des hommes modernes en Inde, déjà avant 70 000. Alors, pourquoi avant 70 000 ? Bien parce que on a, un peu avant 70 000, avant le présent, une méga-éruption qui a donné lieu à des dépôts volcaniques absolument colossaux dans toute la région du sud-est asiatique jusqu'en Inde. C'est l'éruption d'un volcan qui s'appelle le mont Toba et qui a créé probablement une catastrophe majeure à cette époque-là. Et donc on a en particulier en Inde des dépôts de sang très importants qui datent de cette époque-là. Et donc Petraglia, en gros son idée c'est qu'on a sous les cendres qui résulte de cette méga éruption du mont Toba, le mont Toba est à Sumatra, eh bien, on a des industries qui ressemblent encore une fois aux industries qu'on a en Afrique. Donc, c'est ça l'argument. Alors, il a été critiqué par ses collègues de Cambridge, en particulier Paul Mellars, et Mellars, lui, a apporté des arguments qui vont un petit peu contre les arguments de Petraglia. Alors, je dois vous dire que, en fait, les arguments aussi bien de Petraglia que de Mellars ne sont pas, je dirais, entièrement convaincants, ni d'un côté, ni de l'autre. Hein. Alors, pour ce qui est de Petraglia, il a étudié en particulier une série de sites qui se trouvent autour d'un village qui s'appelle Jwalampuram, dans le centre-sud de l'Inde. Et il y a là toute une série de sites archéologiques avec ces téfras, c'est-à-dire ces dépôts volcaniques de l'éruption du mont Toba, qui représentent donc un repère chronologique très très fort. Et donc l'idée de Petraglia, c'est que les industries qu'on a en dessous de ces dépôts volcaniques, eh bien, d'après lui, sont des industries qui ont plus de rapport avec ce qu'on a en Afrique que ce qu'on a ailleurs. Alors, bon, c'est une affaire, je dirais, d'appréciation. On a du débitage levallois, on a des pointes, on a des choses comme ça. Tout le monde n'est pas absolument convaincu que c'est une industrie qui a un caractère africain. Le problème des industries lithiques, en particulier quand elles sont relativement simples, c'est que il y a une possibilité de convergence qui est assez forte, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir entre eux font à peu près les mêmes choses parce qu'ils ont besoin du même genre d'outils, et donc c'est assez difficile d'accrocher un type d'hominine avec une industrie, sauf si cette industrie est vraiment très particulière et qu'elle a qu'on a pu prouver qu'il y avait une association systématique entre ces hominines et cette industrie. Là, c'est pas le cas en Inde, où, pour l'instant, on n'a pas de restes humains qui sont associés à ces industries-là. Alors, du côté de Mélars et de ses collaborateurs, les arguments contre ne sont pas non plus des arguments extrêmement convaincants. D'abord, il y a des arguments d'ordre génétique. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'ADN mitochondrial et de cet haplogroupe L3 qui était à l'origine de nombreux haplogroupes en Eurasie. Et donc, l'idée, c'est que quand on regarde les temps de coalescence pour l'haplogroupe L3 en Afrique, et puis surtout les temps de coalescence, c'est-à-dire la source, en quelque sorte, le démarrage des haplogroupes auxquels L3 a donné naissance en dehors d'Afrique, eh ben on a des temps de coalescence qui sont plus récents que l'éruption du mont Toba. Bon. Évidemment, ça nous dit quoi ? Ben, ça nous dit que les gens qui sont aujourd'hui porteurs de ces haplogroupes, ont un ancêtre commun qui ne remonte pas au-delà, disons, de 60 ou 65 000 ans. Mais évidemment, on n'a pas les haplogroupes des gens qui ont fabriqué les industries que Petraglia a étudiées. Et donc, ça, c'est tout le problème d'utiliser des données génétiques actuelles pour discuter du passé. C'est-à-dire que, en fait, et c'est un problème qu'on va retrouver constamment, on peut avoir eu des vagues de peuplement modernes, anciens, qui n'ont laissé aucune trace dans les populations actuelles et dont les gènes se sont perdus totalement, y compris l'ADN mitochondrial. Donc, Mélars, lui, il est plutôt en faveur d'une arrivée des hommes modernes avec ces industries microlithiques qu'on trouve beaucoup plus tard en Inde, 50 000, 40 000. Mais là encore, ces industries microlithiques, enfin disons avec des formes géométriques, qui, j'allais dire, en surface ressemblent à des choses qu'on connaît en Afrique ou qu'on connaît d'ailleurs en Europe aussi plus tard, eh bien, ma foi, tous les préhistoriens vous diront qu'il y a des tas de groupes humains qui ont fabriqué des objets comme ça. Et que là encore, ça paraît pas être un marqueur qui peut être utilisé pour identifier des entités biologiques, modernes ou pas. Alors, allons encore plus vers l'Est, avec la Chine. Alors, là encore, on a des gens, enfin, des collègues, surtout chinois d'ailleurs, qui se battent pour prouver l'existence d'hommes modernes très anciens en Chine. Alors, je vous ai pris cette figure d'une publication récente, juste pour vous montrer que on a pour certains sites, des datations parfois incroyablement anciennes. Ce site de Liujiang, il y a un collègue qui s'appelle Bae qui a proposé que l'âge de l'homme de Liujiang pouvait être quelque chose comme 139 000 ans. Qui en ferait un homme moderne très très ancien, surtout si on considère qu'il est très moderne dans son anatomie. Mais le problème de tous ces sites, c'est que même si on met de côté les datations elles-mêmes, qui sont souvent discutables, souvent ce qui est en cause, c'est l'association de ces restes avec les niveaux qui sont datés. Et par exemple, dans le cas de Liujiang, Liujiang, c'est un crâne qui a été trouvé en 1958 par des paysans qui sont allés dans une grotte parce qu'ils cherchaient des dépôts pour amender leur champ. Et ils ont fait un trou dans la grotte, ils ont trouvé un crâne. On ne saura jamais si ce crâne, c'était un crâne qui était dans un dépôt stratifié dans la grotte ou si c'était une sépulture plus récente à l'intérieur de ces dépôts. Ce n'est pas une pièce qui a été trouvée au cours d'une fouille archéologique organisée. Et donc, vous voyez que s'il y a des gens qui pensent que Liujiang peut avoir 139 000 ans, il y a des gens qui pensent qu'il a peut-être un peu plus de 15 000 ans. Donc, ça fait quand même une marge assez considérable de datation. Et ça, c'est un problème qu'on a de façon récurrente avec pas mal de sites chinois, parce que souvent, l'origine précise des pièces est mal connue. Alors, je vous montre quand même du matériel qui a été plus récemment découvert et plus récemment publié. Il y a cette mandibule qui vient d'un gisement qui s'appelle Zirendong, dans le sud de la Chine, qui aurait, si on considère qu'elle est en place dans les dépôts un âge supérieur à 100 000 ans et qui est dite moderne. Alors, c'est vrai qu'elle est, elle a, en particulier dans la région mentonnière, un petit trigone mentonnier qui a un petit goût moderne. Mais en même temps, elle a quand même de nombreux caractères archaïques, et en particulier quand on regarde la section de la, dans la région de la symphyse, eh bien, c'est une section quand même qui est très, très épaisse, et c'est un corps mandibulaire qui est très épais. Et dans le fond, le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien la variation de ces formes archaïques chinoises, et toute la question, c'est de savoir déjà si cette mandibule a vraiment 100 000 ans, et ensuite, ce qu'elle représente exactement. Puis alors, plus récemment, ça date de l'année dernière, il y a eu une publication sur un site qui s'appelle Daoxian, dans le sud de la Chine. C'est une grotte de plusieurs centaines de mètres, dans laquelle plusieurs niveaux ont été fouillés, et donc on a là encore des dents isolées qui sont trouvées sous un dépôt qui est un plancher stalagmitique qui a été daté, et si on en croit cette date, eh bien tout ce qui est en dessous ce niveau devrait avoir au moins 80 000 ans, peut-être plus que ça, 100 000 ans. Là encore, il y a des questions qui se posent sur l'intégrité du site. Est-ce que ces dents, elles sont vraiment en place sous ce spéléothème ? Un des problèmes de la paléanthropologie, c'est la réplicabilité des résultats. C'est-à-dire que dans la plupart des sciences, eh bien, on peut refaire une expérience, on peut refaire une observation astronomique et voir si elle vérifie les publications des collègues. C'est un petit peu difficile de faire la même chose en archéologie le plus souvent. Donc voilà ces dents de Daoxian. Alors elles ont pas mal, j'allais dire, excité à la fois la presse, mais aussi les spécialistes, parce qu'elles sont très modernes. J'allais dire, elles sont presque trop modernes pour cet âge au-delà de 80 000 ans. C'est des dents qui sont pas très grandes, qui ont des racines réduites, qui ont parfois des caries dentaires assez spectaculaires. Alors, c'est pas totalement exclu que des gens qui vivaient il y a 100 000 ans aient des caries dentaires, mais pour vous donner une idée, les hommes de Skoul et de Kavzé, on a des quand même une grande quantité de dents qui ont été trouvées dans ces sites-là. Eh bien, je crois, on a trouvé deux caries dentaires qui sont minuscules dans toutes ces dents. Alors, à Daoxian, il y a des caries qui sont beaucoup plus spectaculaires. Alors, quelque chose qui est probablement beaucoup plus sérieux, mais qui, évidemment, n'est pas aussi ancien, eh bien, c'est une découverte qui a été faite dans le nord du Laos, dans une grotte qui s'appelle Tampaling, et qui est étudiée par une équipe franco-américaine, et qui fouille depuis plusieurs années ce site, alors qui est un site qui est fouillé de façon extrêmement méthodique, et on a un niveau dans lequel on a trouvé plusieurs pièces humaines, en particulier d'abord ce crâne. Alors la morphologie, en particulier du frontal, elle est complètement moderne, hein, avec des reliefs susorbitaires qui ne laissent pas de doute sur l'identification taxonomique de cet homme. Trouvé donc dans un niveau qui a été daté par luminescence optiquement stimulée à 47 000. Alors il y a une datation directe qui a été faite, certains de Cérès, par uranium-thorium, qui est un peu plus ancienne, au-delà de 60 000, mais l'uranium-thorium sur les os, ça, c'est toujours un petit peu délicat. En tout cas, on a aussi une datation radiocarbone dans le même niveau, qui est un petit peu au-delà de 50 000. Donc voilà, là on a un indice quand même de restes humains qui sont découverts dans un site stratifié, pas par des paysans à la recherche de terres pour amender leurs champs, mais par des archéologues qui savent ce qu'ils font. Et donc une présence d'hommes modernes dans cette région extrêmement orientale de l'Asie, probablement dans une fenêtre de temps, disons, entre 50 000 et 60 000, ce qui n'est pas, j'allais dire, complètement surprenant, puisque vous allez le voir dans la suite des cours, les hommes sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans, donc il faut bien qu'ils soient quelque part en Asie avant cela. Une autre pièce qui vient de Tampaline, c'est une mandibule, c'est Tampaline 2, alors qui est très moderne dans sa morphologie, en particulier dans la région mentonnière. Là, on a un vrai menton, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais qui a quand même une mosaïque de caractère primitif avec un corps mandibulaire qui est très épais, ce qui évoque plutôt des formes d'hommes modernes plutôt anciens. Alors pour conclure, je voudrais souligner quelques points de conclusion qu'on peut tirer cette visite assez rapide. Donc, très certainement, le climat a joué un rôle dans la dispersion des hommes modernes. Pourquoi ? Eh bien, parce que des chasseurs-cueilleurs ont besoin d'un environnement qui leur est favorable pour pouvoir exploiter cet environnement et connaître un développement démographique suffisant pour se développer. Maintenant, la question, c'est de savoir si ce déterminisme climatique, il est suffisant pour expliquer l'expansion des hommes modernes. Alors, du point de vue du timing, eh bien, on a certainement déjà des hommes modernes hors d'Afrique, disons, aux alentours de 120, 130 000 ans. On les a au Proche-Orient, on les a au sud du Levant, on les a très certainement aussi dans la péninsule arabique. Alors, la question de savoir si le déterminisme climatique est suffisant, je pense que c'est un petit peu simpliste de considérer que c'est juste le climat qui conduit tout ça. D'ailleurs, dans le papier de modélisation climatique que j'ai cité tout à l'heure, une des conclusions de cet article, c'est que les hommes modernes auraient dû arriver en Europe il y a 80 000 ans. Et ils n'y sont pas arrivés. Et ils n'y sont pas arrivés pourquoi ? Eh bien parce que on est obligé d'intégrer dans tous ces modèles-là l'existence d'autres groupes humains en Eurasie. Il y a des Néandertaliens en Europe, ou au Proche-Orient, il y a des Denisoviens en Asie. Et donc, la dispersion des hommes modernes, c'est pas la dispersion sur une planète déserte où ils peuvent aller là où ils veulent en fonction du climat. Et d'ailleurs, la paléogénétique nous dit qu'il y a eu des interactions entre ces différents groupes. Alors, sur la présence d'hommes modernes anciens en Extrême-Orient, j'aurais tendance à être relativement conservateur. Disons que dans la fenêtre 50 000, 60 000, c'est certainement le cas. Je suis assez convaincu par Tampaling. Maintenant, 80 000, 100 000, 150 000, on a régulièrement des publications qui viennent avec ce genre de conclusions. Très généralement, dans les mois et les années qui viennent, ces publications sont fortement critiquées. Alors la dernière chose que je voudrais surtout souligner, c'est que la génétique des populations actuelles nous apporte énormément d'informations, mais malheureusement, elle ne peut pas nous apporter d'informations sur les populations qui n'ont pas laissé de traces génétiques dans les populations actuelles. Et on en reparlera quand on parlera du peuplement de l'ouest de l'Eurasie. On sait par la paléogénétique, parce qu'on a des fossiles qui nous livrent des données génétiques, qu'il y a eu des vagues anciennes de peuplement moderne qui ne correspondent à aucune population actuelle, en tout cas qu'on ne peut rattacher à l'origine d'aucune population actuelle. Et donc ça, c'est un petit peu une limitation, en particulier si on veut discuter du nombre de vagues de peuplement et de leur âge. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 25 octobre 2016, Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui la sortie d'Afrique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Paléanthropologie du genre homo » et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son exploration de l'espèce Homo sapiens. Il interrogera son expansion et la notion de remplacement. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.